18-18, observation, pour répondre aux gens qui vous embêtent. Marie-Laure dérange Mireille. Elle la dérange. Tu me déranges, ne me dérange pas. Elle l'ennuie. Tu m'ennuies, ne m'ennuie pas. Elle l'agace. Tu m'agaces, ne m'agace pas. Elle l'embête. Tu m'embêtes, ne m'embête pas. Elle ne la laisse pas tranquille. Tu ne me laisses pas tranquille. Laisse-moi tranquille.